Ignorons la vie à quoi bon être sans jeu. Si la vie frappe des ombres, fais le droit d'une cible. Si tu entends dans le vent, tu fonces. La lumière t'avalise sa colère. Passera son quotidien par les idées sereines. Mais les sirènes l'attirent profondément sous la mer. Et la profondeur, la mépère se meurt sous les flots de l'eau. La bébière partage sa blonde sombre.